Andy pour tout business. Est-ce que tu sais que ce sont les chevaux les plus gentils qui donnent les plus mauvais coups de pied? Fernanda Amaro Stella. Papi qui vous voyez, La Fontaine Shop chez Jean-Marie Egodé à London. Papi Moulopoe, Bernard Lundita Poiti. Nakabila. Lembola, mon amour, na emosu, na komi otuna wa Yesu ezanga la réponse. Chama sunga barumba shiro chamala boni mbeba egi makutima e mao pecho Ricardo elumbu de gishao artire tangwe brida landu papi kaba Anthony Kilandas Ikete kasungo métis noir la carterole Virginia Amarula Mireille Lolekou